Tout est articulé. Au réveil, elle écoute cette petite musique, un moment pour renouer avec le monde. Elle ne vénère ni le son, ni celle qui l'orchestre. C'est fonctionnel et immuable. Elle passe ainsi du sommeil au réveil. Avant de sortir, elle se prépare mentalement au son des autres et à la présence dans le bâtiment de communication, des ressources qui lui permettent de travailler et d'échanger. Tout est articulé. Chacun, chacune peut y trouver les mots, les signes, les visuels nécessaires et utiles. Dès que le besoin se fait sentir, elle utilise le casque et s'isole. Le silence la rassure, elle le maîtrise.